Le Chat Noir Productions vous présente, de Laurent Garnier et David Brun-Lambert, aux éditions Flammarion, Electrochoc. Les derniers mercredis de chaque mois, retrouvez Electrochoc, le livre de Laurent Garnier et David Brun-Lambert, narrant toute l'histoire de la techno-music, racontée et vécue par Laurent Garnier, des années 80 jusqu'aux années 2000, la lecture se mêlant aux morceaux en marge dans le livre qui ont marqué Laurent au cours de toutes ces années, qui ont marqué l'histoire de la dance music. Salut à tous, 13e volet d'Electrochoc, c'est toujours plus en avant. La techno va tomber dans le piège du fric et de la récupération. C'est le chapitre 9 du livre, Beyond the Dance. La donne était une nouvelle fois en train de changer dans l'histoire de la musique techno. En Angleterre, que je continuais entre autres à sillonner, la scène techno vivait ses heures les plus noires. L'état d'esprit positif des débuts s'était évanoui, gangréné par les gangs et la drogue. Des campagnes de presse d'une rare violence avaient achevé de diaboliser la techno. Pressé par l'opinion publique, le gouvernement anglais fit de l'éradication des rêves sa priorité absolue. Il freinait toute demande d'obtention de licence légale aux organisateurs, et lorsque ceux-ci passaient outre et organisaient des rêves sauvages, elles étaient systématiquement cassées et les promoteurs inquiétés. Mais cette guerre coûta des centaines de milliers de livres à l'État, en logistique comme en déploiement policier, lequel décida de se renflouer. Bientôt, quiconque demandait une licence d'organisation pour une rêve allait devoir s'acquitter d'une somme de 75 000 livres, pour payer la police chargée de la circulation, disait-on. Par la suite, les prix grimpèrent sans justification, jusqu'à 80 000, puis 100 000 livres. Aucun organisateur de rêve ne pouvait plus répondre à ces exigences. Certains jetèrent l'éponge. D'autres, à l'image de Paul Cherry, Universe, choisirent l'exil, seul moyen de se préserver du harcèlement policier et de continuer leur activité sans risquer la banqueroute. L'organisation Universe déplaça donc les rêves Tribal Gathering en Allemagne et s'afficha à la Love Parade. Fin 1994, le gouvernement anglais vota l'adoption de la Criminal Justice Bill, loi qui interdit à plus de 5 personnes de se regrouper spontanément dans un lieu public dans le but d'écouter de la musique répétitive, dans le texte bien sûr. La Criminal Justice Bill prit un soin particulier à définir le type de musique de façon à englober la dance music, mais un boléro de Ravel ou un funky drummer de James Brown étaient tout autant concernés. La sanction prévue par la loi en cas d'infraction était extrêmement sévère. Une amende pouvait aller jusqu'à 20 000 livres et 6 mois d'emprisonnement pour quiconque organisait une fête illégale. En revanche, les rassemblements déclarés restaient autorisés, la loi prévoyant tout un ensemble de conditions, le plus souvent liées à la sécurité, à respecter pour que les promoteurs puissent se voir délivrer une licence de spectacle. Assurer plusieurs mètres carrés par personne sous les chapiteaux en cas de pluie, la mise à disposition à chaque événement de centaines de sanitaires. L'organisation d'une rêve revenait à construire une mini-ville. L'application de la Criminal Justice Bill conduisit à une vague massive d'arrestations en Angleterre. Ainsi, une semaine seulement après l'entrée en vigueur de la loi, la police britannique arrêta 836 rêveurs dans un hangar près de Leeds. Et pour avoir encouragé le public à barrer l'accès du hangar aux policiers, le DJ Rob Tisra fut condamné à 3 mois de prison ferme. Des manifestations de protestation exigeant le droit à la fête eurent lieu dans toute l'Angleterre, relayées par la création du mouvement Freedom to Party, initié par Tony Colston-Hyter. Plusieurs artistes influents de la scène rave, les groupes Orbital ou KLF, et certains médias, comme l'hebdomadaire musical NME, se mobilisèrent pour protester contre la Criminal Justice Bill. Mais la house et la techno n'ayant jamais été politisées en Europe, le mouvement de contestation s'étiola rapidement. Sévèrement réprimés par la police britannique, des sound systems de free party tels que les Spiral Tribe fuirent la répression policière et s'exilèrent en France. Dans les tabloïds anglais, favorables à une répression tous azimuts des raves, on pouvait lire en lettres grasses « Ecstasy, the party is over ». To the beat. Les promoteurs rock, conscients de l'opportunité qui se présentait de récupérer un public privé de rassemblement, firent alors main basse sur la scène rave, sous l'œil bienveillant des autorités. Légalement constitués, travaillant en bonne intelligence avec les forces de l'ordre, ces promoteurs avaient en outre les moyens logistiques et financiers de répondre aux exigences délirantes imposées pour avoir le droit d'organiser des raves. Mais les raves qu'ils organisaient étaient commerciales. Sponsorisées à outrance, elles étaient calquées sur le modèle des festivals rock. Dans ce tourbillon, quelques DJ se virent propulsés, popstar techno. En Angleterre, Sacha, Carl Cox ou Paul Oakenfold reçurent le traitement habituellement réservé aux vedettes du rock. Ils furent exposés dans les pages des magazines et leur nom devint gage de rentabilité. Saisissant la balle au bon, l'industrie anglaise se développa à toute allure autour de la techno en lui appliquant les canons de la pop. Et afin de faire exister les DJ techno dans les bacs des disquaires, la plupart ne sont pas musiciens, une vague de compilations mixées envahit le marché du CD. Journey by DJ, Mix Mag, X-Mix, etc. Les robinets Afrique avaient été ouverts, créant une industrie musicale marchande dont le DJ occupait désormais le centre. Il était dorénavant l'objet de toutes les convoitises. Sa place était sur scène, face au public, son nom devint plus important que la musique, et les nouvelles vedettes obtinrent des cachets à la hauteur de leur renommée. En 92, le budget d'une rave, Trouble Gathering par exemple, était équitablement partagé entre la programmation et la production de l'événement. En 94, 70% de ce budget partait dans la programmation. Les plateaux de DJ devinrent de plus en plus importants, et pour compenser, le prix d'entrée de ces événements passa du simple au double. À travers la starification des DJ, c'était le paysage de la scène techno anglaise qui changea. Parallèlement à cette surenchère de plateaux DJ en rave, une nouvelle génération de super clubs ouvrit ses portes. Le Cream à Liverpool, Renaissance à Nottingham ou Gatecrasher à Sheffield. Les programmateurs de ces lieux gigantesques n'hésitaient pas à payer des sommes considérables les DJ dont le seul nom assurait la réussite d'une soirée. Ces immenses clubs, appelés corporate clubs, s'engagèrent dans une course effrénée à l'image. Peu importe ce que jouait le DJ, il fallait qu'il soit connu. On invita les meilleurs artistes américains, David Morales, Todd Terry, Frankie Knuckles, leur concédant des traitements de stars. Bientôt, les DJ de la scène rave anglaise, qui eux étaient restés cantonnés à des cachets modestes, pourvu que leur nom apparaisse sur le flyer, se détournèrent des raves et repartirent s'immerger dans les clubs. Ceux-ci avaient remodelé leur espace. Les cabines DJ, désormais situées au centre de l'attention, étaient conçues comme un cockpit d'avion et investies de la toute nouvelle technologie. 3 platines vinyles, platines CD, table de mixage avec effet incorporé, coupeur de fréquence, enregistreur DAT, etc. On ne trouvait plus ni micro, ni trace d'un seul disque. Il ne restait plus que 2 bacs en bois vides, prêts à accueillir la sélection de chaque DJ. Le public s'engouffra dans ces nouveaux temples de la nuit où les DJ tenaient à présent le premier rôle. Super Club et Super DJ venaient de naître en Angleterre. Et les magazines Digimag, Music et Mixmag devinrent les mensuels de référence de leur actualité. Dans un système boulimique qui créait des réputations sur mesure et ne se nourrissait plus que de nouveautés, formule depuis longtemps éprouvée par l'industrie de la pop music, les DJ résidents disparurent bientôt pour laisser leur place aux guest DJ, les invités, cumulant pour certains plusieurs engagements par soir, voire une demi-douzaine par week-end. Bientôt, c'est le temps d'expression du DJ qui fut affecté par la logique de l'industrie. Tandis que dans les années 80, les DJ assuraient la totalité de la nuit, sans qu'on s'en émeuve, désormais des flyers parlaient de 2-hour sets. Le spectre de la musique jouée en fut considérablement réduit. Rares furent les DJ qui se sont battus pour obtenir un temps d'expression plus long. Forcément, ils bossaient moins et gagnaient beaucoup plus. Face à cette dérive, une alternative naquit à Londres, à l'image du club UK et The End, des lieux techno qui renouaient avec un état d'esprit underground et laissaient aux DJ leur liberté d'expression. Mais globalement, Freak et Star System étaient devenus le quotidien de la nuit anglaise. Dans ce système, la magie n'avait plus beaucoup de place. Lorsque la Criminal Justice Bill ou le business outrancier ne pourrissait pas la scène techno, c'était les médias et les gangs qui s'en chargeaient. Depuis des années, l'Hacienda et Manchester vivaient un cauchemar de violence sur fond de pression policière. Et cependant, le club se battait pour raviver la flamme du Summer of Love dans ses murs, accueillant la nouvelle génération des labels et DJ de Manchester, Grand Central Records ou le DJ Elliot Eastwick, ou cherchant de nouveaux concepts. Paul Kantz monta Flèche, un rendez-vous mensuel gay qui renouait avec l'ambiance des années d'or de l'Hacienda et fut le premier succès enregistré par le club depuis des lustres. Puis en 1995, Paul Kantz proposa à Dev Aslam une résidence dans le sous-sol fraîchement aménagé de l'Hacienda. Dans cet espace d'une capacité de 1000 personnes, on renoua le samedi soir avec une musique éclectique, funk, hip-hop, rock. La nouvelle formule des week-ends de l'Hacienda fut une réussite. Et en mai 1997, alors que le club fêtait ses 15 ans en grande pompe, tous crurent qu'enfin sonnait l'heure de la renaissance. Mais les problèmes de violence étaient toujours d'actualité et l'argent toujours absent des tiroirs-caisses de l'Hacienda. Pour Tony Wilson, fondateur de l'Hacienda et directeur du label Factory, l'explication est simple. Si le public prenait de l'ecstasy, il ne consommait rien au bar. L'Hacienda engloutit les profits de Factory jusqu'au dernier sou. Le 28 juin 1997, elle fermait définitivement ses portes. We'll be right back. Pendant ce temps-là, en Allemagne, la bonne entente entre les autorités et les promoteurs permit à une industrie rave de se développer à outrance. Devenus des phénomènes de masse, les raves se structurèrent en événements géants. Ainsi, Mayday, cette rave envisagée comme un grand spectacle qui incarna la grand-messe techno à l'allemande des années 90. Dans le gigantesque stade Vélodrome de Dortmund, plus de 40 DJ se produisaient 30 malheureuses minutes dans une débauche de lasers et d'images fractales. Mayday produisait la soirée, le label Low Spirit commercialisait l'hymne officiel de chaque édition et les sponsors se bousculaient pour être affiliés à l'événement. La nature spontanée et underground des raves avait été supplantée par une logique de business implacable qui, en quelques années, finirait par tuer la scène rave en Allemagne. Désormais organisée par les mêmes promoteurs, Frontpage et Low Spirit, la Love Parade de Berlin suivrait la même dérive. Le 2 juillet 1994, la Love Parade vivait son âge d'or et alignait sur ses chars l'essentiel des producteurs et DJ techno américains. Alors que le monde entier suivait la retransmission de la demi-finale de la Coupe du Monde de football, 200 000 ravers arpentaient le Kudamm, dansant au son d'une trentaine de chars sonorisés. Et malgré son slogan positif « The Spirits makes you move », la Love Parade donnait cette année-là ses premiers signes flagrants de mercantilisme. Pour pouvoir faire défiler un char, il fallait payer jusqu'à 3000 marks, environ 1600 euros, à l'organisation. La GEMA, la SACEM allemande, exigeait la même somme par char. Personne n'a jamais su comment cet argent était équitablement réparti entre les artistes. Chaque année, les contrats s'enrichissaient de nouvelles clauses imposant des mesures draconiennes concernant la sécurité. Chaque char devait par exemple s'engager à embaucher plusieurs vigiles afin d'éviter les incidents durant le défilé. En 1996, le coût moyen pour organiser un char officiel était de 11 000 euros et on estimait à plus de 3 000 le nombre de personnes travaillant autour de la Love Parade. Une véritable industrie. DJ et musiciens recevaient des contrats stipulant qu'ils ne devaient pas se produire en Allemagne durant les 3 mois précédents et suivant l'événement. Les labels avaient l'interdiction de s'associer avec des sponsors non officiels, comprendre n'ayant aucun deal avec Low Spirit, pour financer leur char techno. Pendant l'événement, la ville et les clubs étaient tapissés de banderoles publicitaires. La musique n'avait plus qu'une place accessoire dans cette affaire de gros sous. Mais les DJ avaient le privilège de se produire face à un demi-million de danseurs en liesse. Alors, on remisa notre esprit critique au placard et on joua le jeu. En 96, la Love Parade réunit 750 000 personnes sous le mot d'ordre « We are one family ». Bientôt, la barre du million de ravers était alors franchie. Mais ce qui avait été à sa création l'une des plus belles incarnations de la techno dans le monde n'était plus désormais qu'une vaste supercherie commerciale sans âme. Victime consentante du business, la scène rave allemande sombrait à toute allure. Lorsqu'en 97, Sven Vass mit un terme à l'aventure de son label Arthouse, ce fut une page de l'histoire de la techno européenne qui fut tournée. La Suisse alémanique adopta trait pour trait les méthodes de son voisin. Le promoteur Arnold Meyer avait assisté aux premières éditions de la Love Parade et de Mayday. Il en adapta le concept, installa son événement à Zurich et le baptisa Energy. La première édition eut lieu dans une usine désaffectée. Gros succès. D'autres promoteurs suivirent l'exemple de Meyer, réquisitionnant usines et autres cathédrales industrielles. Puis Energy investit le Hallenstadion, un stade couvert d'une capacité de 20 000 personnes situé à la périphérie de Zurich. Je fus invité à l'édition d'Energy 93 et découvris une parfaite décalcomanie de ce qu'avaient initié les Allemands à travers la Love Parade. Suite à une street parade de chars techno dans les rues de Zurich, et après que les services de nettoyage de la ville eurent fait disparaître toute trace de déchets, une rêve géante fut programmée dans un palais omnisport. Disséminé sur plusieurs scènes, le gratin de la techno mondiale, Aphex Twin, Jamon Spoon, Joey Beltram, etc., répondit présent au rendez-vous malgré un temps d'expression réduit à son strict minimum. Des dizaines de milliers de ravers se pressaient là. 20 lasers étaient disposés dans la salle principale. Un sound system crachait des milliers de décibels. En coulisses, l'ambiance était aux retrouvailles entre DJ de la scène internationale. Discussions, échanges de disques, beuveries et rigolades. Les cachets étaient généreux et le cadre confortable. Personne ne se plaignit. L'âge d'or des raves en Suisse dura jusqu'en 96, en phase avec le voisin allemand, et inscrivit Zurich sur la carte des capitales mondiales de la techno. La musique électronique pénétra en 94 au prestigieux Montreux Jazz Festival. La première soirée fut consacrée au label Hart House. Et une radio nationale d'avant-garde, Couleur 3, se mit à diffuser les nouvelles tendances de la musique pour les pieds. Dans son émission Les Métissages, servant de baromètre à l'expansion house et techno en Suisse romande. Puis les raves suisses devinrent d'immenses événements institutionnels, attirant une clientèle de plus en plus jeune et peu soucieuse de la qualité de la musique. En alternative, Lausanne devint l'un des points centraux de l'activité clubbing helvète et vit naître plusieurs clubs house et techno, tels le Loft ou le D, autour du périmètre occupé par le MAD. En Europe, la techno possédait ses festivals d'une nuit, ses grands mess raves, son circuit club et les dérives qui allaient avec, hein, mais rien qui ressemble à un rendez-vous annuel de la culture électronique. Non plus seulement de la musique, mais de l'image, de la technologie, des médias et de la fête. La proposition vint d'Espagne, un pays qui jusqu'alors n'avait montré aucun intérêt pour la techno. L'Espagne n'est pas Ibiza et les vibrations house de Lille n'y avaient pas encore trouvé d'écho. F Communication fut contacté par des organisateurs barcelonais pour participer à la première édition du festival Sonar. À l'exception de la Bacalao, techno dance ultra commercial de Valence, nous n'avions aucune idée de ce qui se produisait en Espagne. On était à la recherche de nouveaux territoires, l'inconnu étant toujours pour nous une source de motivation essentielle. L'Espagne nous attirait forcément. À Barcelone, on rencontra trois garçons passionnés, Ricardo Robles, journaliste radio et fin connaisseur de la culture du clubbing, Enric Palao, musicien, et Sergi Caballero, investi dans l'art contemporain et le théâtre. Ces trois types misaient sur une intuition, la musique électronique deviendrait globale et embrasserait culture et médias. Lors de sa première édition, le Sonar s'échauffait sur trois nuits, invitant le DJ anglais Mixmaster Maurice, Sven Vass et moi-même à jouer dans une salle du centre de Barcelone, l'Apollo. Un lieu au charme désuet pouvant abriter 500 personnes. Ce fut l'endroit où j'entendis pour la première fois l'expression « la puta madre » asséner comme on respire. Pendant la première heure de mon set, le public me regardait bizarrement. Je passais pour un énergumène qui jouait de la musique extraterrestre. Deuxième heure, j'ai programmé « Follow Me » de Jem & Spoon et là, quelque chose a basculé. Sur ce titre, le rythme démarre lentement, monte progressivement en puissance jusqu'à s'accélérer, puis ralentit une nouvelle fois avant l'explosion finale. Soudain, une énergie s'est déployée, la salle a chaviré et le public s'est lâché. À la fin de mon set, des gens sont venus me voir. Ils beuglaient des grands « Gracias, gracias, à tout va ». C'était assez dingue. Je me dis que ça leur faisait un si grand bien. Aux Catalans, il fallait absolument leur en donner de la techno. La suite de cette histoire est une cuite monumentale, suivie d'un retour pour le moins étonnant à mon hôtel. En entrant dans ma chambre, je suis tombé sur un couple en train de baiser dans mon lit. Le lendemain, promenant ma gueule de bois, j'ai fouillé les bacs des disquaires de Barcelone. J'ai découvert des mines d'or, rééditions ou disques de seconde main. On trouvait du rock, de la dance, de la musique industrielle par kilo, mais pas un seul disque de techno. Cette musique n'existait tout simplement pas en Espagne. Ici, la fête en plein air n'avait rien d'une nouveauté. Pour cette raison, les raves n'avaient jamais trouvé de terre d'ancrage. À ce titre, Ibiza demeurait une exception. En 94, proposer un DJ en programmation d'un festival espagnol, c'était déjà une révolution. Sonar allait plus loin et présentait concerts, multimédia, art contemporain, design et conférences autour des musiques électroniques. Le festival se voulait farouchement indépendant et afficha dès sa première édition ses ambitions. Devenir le point de rendez-vous annuel du monde techno. Il se tenait dans les murs du Centre de Culture Contemporaine de Barcelone, comme pour signifier qu'on n'était pas là pour la rave ou l'ecstasy. Alors qu'il était impensable d'envisager une semblable proposition en France ou en Angleterre, Sonar convainquit les institutions espagnoles que la techno était bel et bien une composante de l'art contemporain. Le Sonar Festival fut le déclencheur d'une culture techno en Espagne. À l'issue de sa première édition, on vit apparaître toute une génération de DJ catalans, dont Angel Molina, qui deviendrait l'une de ses plus grandes figures. En quelques années, Sonar devint le phare de la culture techno mondiale et accueillit l'essentiel des acteurs de la musique électronique, inconnus ou superstars, artistes d'avant-garde ou musiciens pop, télescopant musique underground et fête espagnole. Bye. Sona restait une exception. Tout autour, c'était l'heure du business et des grands messes techno. Bientôt, un réseau international s'organisa. Dans cette bulle se croisaient DJ, booker, promoteur, club, magazine et sponsor. Car pour les DJ, il était désormais question de carrière. Les sollicitations grossissant, à partir de 1994, ils firent appel à un nouvel intermédiaire, l'agent, interlocuteur avec qui le DJ choisissait et qui le dispensait de courir après son cachet. Nous y gagnions en dignité et pouvions désormais travailler dans la confiance, débarrassés des soucis de logistique ou de contrat. Les agents de la première génération, grâce aux liens étroits qu'ils avaient développés avec leurs poulains, avaient monté de véritables poules de DJ internationaux. Nick, une vraie passionnée de musique, une authentique excentrique, était de cela. Elle était devenue entre autres l'agent de Richie Hawtin, Josh Wing, Carl Cox et moi, et avait su construire une relation amicale avec nous. Nous étions ses « babies », comme elle disait. Travailler avec elle était un plaisir, professionnelle, généreuse et fêtarde. Nick était une complice avant d'être un partenaire de travail. En cela, elle incarnait le meilleur des agents de la première génération. Puis, de nouveaux agents et promoteurs ayant emprunté leur manière au monde du rock et de la banque, investirent la scène. Avec eux commencèrent alors les inévitables histoires de fric et d'ego. Ils initièrent un discours simple. Combien y a-t-il d'entrées prévues? À combien est le prix du billet? Donnez-moi 30 secondes, le temps que je sorte ma calculatrice. Ah ok, vous générez tant. Alors pour que mon artiste vienne, ça vous coûtera tant. Plus mes 15%. Cette politique devint peu à peu la norme, et aux DJ qui la refusaient, on répondait « Moins tu demandes d'argent, moins on te respecte ». En 96, on vit des DJ internationaux s'entourer de managers, d'avocats, de comptables. Certains travaillaient même comme de véritables patrons de PME. Cette nouvelle donne modifia profondément l'essence de notre métier. Et les DJ du circuit international se retrouvèrent confrontés à un dilemme. Jouer le jeu du fric ou le refuser au risque de voir leur carrière freinée. Nous avons tous été confrontés à ce problème. Et nous avons tous dû faire un choix. Accepter cette dérive et s'en mettre plein les poches, ou choisir de rester fidèle à une éthique au risque d'y laisser des plumes. Ma position a toujours été claire, le fric ne m'a jamais attiré. Ce qui est essentiel, ce qui me fait continuer ce métier, c'est la relation que j'ai construite avec le public, Le lien qui se développe au fil des années avec les danseurs est si fort. C'est comme une drogue dont on ne peut pas se passer. Lorsque je joue des disques dans un club, une rave ou une fête privée, c'est à chaque fois une histoire exclusive avec ceux pour qui je joue là de la musique. En privé, ce serait comme me passer de communication ou de sexe. Ma chance fut d'avoir tout au long de ces années un public fidèle prêt à me suivre. Mais ce lien ne s'impose pas de lui-même. Il se tisse disque après disque, date après date. L'argent n'a rien à voir avec ça. Pourquoi suit-on un artiste? Pourquoi lui accorde-t-on sa confiance et sa sueur? Parce qu'une relation d'amour, ou tout du moins une vraie complicité, s'est nouée. Le job du DJ, quel que soit le lieu qui abrite son action, quel que soit le montant du cachet qu'il met dans sa poche après une nuit de travail, c'est de faire danser le public. Même si à 7h du matin, les derniers clubbeurs sont dans des états catastrophiques et qu'il ne me reste plus qu'un seul disque dans mon sac, mon job, je le répète, est de les faire danser et de leur donner du plaisir. Pour cela, et c'est toute la difficulté de notre boulot, il faut établir une communication, les comprendre. Il faut savoir déchiffrer leurs désirs, leurs lubies, mais aussi les emmener de force, si nécessaire, vers des terrains inconnus, les surprendre, les séduire et à la fin, leur donner ce pourquoi ils se sont déplacés. Du bonheur. Du bonheur. Qu'obtient le DJ en échange de cette déferlante d'énergie? Un extraordinaire sentiment de puissance, voire de domination. Il m'a été donné d'éprouver cette sensation dans ces petits clubs aux lumières extatiques, aux dancefloors bondés, où l'envie gronde depuis les pieds des danseurs jusqu'au plafond, lesquels viennent à vous, implorant « Encore !» Pourquoi s'engouffre-t-on dans la chaleur d'un club? Pour des raisons instinctives qui nous ramènent à un âge lointain. La nuit a toujours été synonyme de danger. En pénétrant dans un club, on ne ferait que répéter une ancestrale mécanique de protection. Échappant à l'obscurité, y trouvant lumière, chaleur humaine et communion autour du rythme, on se sent alors protégé, inscrit dans une énergie globale. Le danseur se délivre de ses peurs, de ses angoisses, de ses émotions les plus primales. La danse lui permet d'exorciser ses démons et de se transcender. En qualité de DJ, de danseur, j'ai traversé des heures de pur bonheur et j'aurais pu mourir là, comme on souhaiterait s'abandonner pour toujours dans un parfait et grandiose orgasme. Je crois au pouvoir des énergies. Je pense sincèrement que les humeurs du DJ se transmettent par l'aiguille de la platine disque et que de là, elles sont diffusées par les enceintes puis fondent sur les danseurs. Je crois qu'un fil tellurique lie le DJ et le danseur et que lorsqu'ils parviennent à se connecter, un échange d'énergie se produit. Un soir, dans le club du musicien irlandais David Holmes, à Belfast, je me souviens avoir perçu dès les premières secondes de mon set ce qui allait se produire. À l'instinct, j'avais joué le bon disque au bon moment, alors que certains soirs, je dois batailler plusieurs heures avant de gagner la confiance du public. Durant les 4 heures de mon set irlandais, je peux dire avoir emmené le public avec moi, l'avoir tenu dans ma main, sans aucune concession de ma part. Une fille est venue me voir à la fin de la soirée pour me dire « C'est très bizarre ce qui s'est passé ce soir, tu nous as complètement dominés ». Entre eux et moi, c'était un rapport amoureux, où j'avais totalement le pouvoir. Les danseurs acceptaient l'ordre que je leur donnais de danser, et même de péter les plombs. Si je cherche, je peux encore en retrouver l'écho dans mon ventre. Les vibrations qui vous traversent durant ces nuits laissent pour toujours une trace dans votre chair. Vous tentez de les rappeler à vous, et soudain, votre poil se hérisse. C'est ainsi. Le corps est un transistor, il émet et perçoit des vibrations. Le rappeur américain Saul Williams chante que nous sommes faits de sons, allant jusqu'à hasarder que la racine latine de personne signifie littéralement constitué de sons. Que c'est là une de nos composantes génétiques. Une théorie qui peut laisser sceptique. Mais c'est comme le mystère de la danse, ce besoin viscéral instinctif de taper du pied ou de se trémousser à l'écoute d'un rythme syncopé. C'est en nous, inné, éternel. Après 15 ans de DJing à travers le monde, j'ai appris que rien n'est jamais acquis avec un public. C'est l'élément fondamental de ce jeu. Depuis le début, je construis mes mix avec le public, ma montre plaquée devant moi sur la table de mixage, afin de respecter le biorhythme des danseurs. L'heure, l'oreille et le regard forment la base du métier du DJ. Avec les années, je me suis rendu compte que le regard est en fait la chose la plus importante dans la construction d'un DJ set. Il faut déchiffrer les sillons gravés sur le vinyle, anticiper les ruptures et les silences. Et surtout lire le désir dans les yeux du public. Les danseurs ne sont pas qu'une paire de pieds. En affirmant ça, je sais que je suis à l'opposé de ce que pense la moitié des DJ en activité. Tous les promoteurs de soirée vous parleront de DJ qui, une fois leur set terminé, rentrent à l'hôtel comme on rentre chez soi après une journée de travail. J'en connais, qui ne dansent jamais parce qu'ils n'aiment pas ça. Pas même derrière leur platine dans l'intimité de la cabine. C'est une chose étrange qu'être DJ sans aimer danser. Presque une anomalie. Comment donner la fièvre à quelqu'un si on est vacciné? Regardez Jeff Mills lorsqu'il joue. Il est complètement absorbé par la musique qu'il diffuse. Il est fébrile. Il ressent la musique par chaque pore de sa peau. Si le DJ n'arrive pas à sentir les vibrations de la musique qui feront remuer le cul des danseurs, c'est qu'il ne ressent pas l'énergie que la salle lui transmet. Car la règle du jeu est impitoyable. Si tu ne donnes rien, tu ne reçois rien en retour. Je connais des DJ qui n'exercent plus leur art que pour leur argent. D'autres qui font ça pour voyager, vivre comme des princes et se taper des blondes. D'autres encore ne sont habités que par une soif de célébrité. Mais il reste une importante frange d'artistes pour qui la musique reste la priorité. Une nuit à Berlin, je devais jouer dans un club pour une soirée organisée par Miss Kittine, une DJ techno grenobloise expatriée en Allemagne. Une artiste passionnée de musique, vibrante et rare. En pénétrant dans ce club drapé de rouge, je trouvais un son d'excellente qualité, un public motivé, et je ressentis sur le champ une énergie que je n'avais pas flairée depuis longtemps. Il était tôt sur les fuseaux horaires du clubbing, autour de minuit. Miss Kittine assurait la première partie. Me plaçant au centre de la piste de danse, les yeux fermés à écouter le son pendant plusieurs minutes, j'ai senti grandir en moi un bien-être immense. Puis je me suis dirigé vers la cabine pour préparer mes disques. J'ai commencé mon set, et dès le premier titre, je me suis senti planer. Où c'était tout comme, au-dessus du public. L'énergie présente était telle que j'ai joué 7 heures d'affilée, jusqu'au matin, programmant des disques techno, deep house, drum and bass, hip-hop, électro, rock, tout. À 7 heures du matin, il y avait encore 200 personnes épuisées mais refusant de partir. Il ne restait plus que l'album Kid A de Radiohead dans mes caisses. Je leur ai offert ça, un disque de pop d'avant-garde pour dire « merci et au revoir » sur un entremêlement de saxo hystérique et de basse saturée avec la voix éthérée de Tom York qui semblait hanter le club. Les danseurs se figèrent sur le dance floor, les bras dressés, la tête renversée, d'immenses sourires béats barrant leur visage. Un moment sublime. Le sillon du disque acheva sa course dans un crépitement, puis laissa place au silence. Les danseurs ne bougèrent pas, comme en proie à une émotion trop grande, comme s'ils craignaient de briser la magie. Mais tous les publics ne possèdent pas l'ouverture d'esprit de ces Berlinois, et parfois, se risquer à sortir des carcans techno peut donner lieu à une incompréhension. Une nuit à Francfort, je me produisais dans un club techno et j'ai décidé de casser mon set en jouant un titre hip-hop. Là, un gamin s'est planté devant moi. « C'est quoi cette merde ? » m'a-t-il aboyé. « Va boire un coup ?» je lui ai répondu. « C'est une respiration, ça permet de lâcher du lest 5 minutes. » Il a insisté. « C'est quoi cette merde ?»« Mais pourquoi t'es là, toi ?» lui ai-je demandé. « Bah parce que t'es Laurent Garnier. » J'hallucinais. « Justement, qu'est-ce que tu pensais que j'allais faire ? Je suis pas un jukebox. Je suis là pour te faire découvrir des choses, t'ouvrir. » Les oreilles. Le môme se barra furieux et la soirée se poursuivit. Le lendemain, je jouais dans un club à Mannheim. Je vis le même gamin vers 5h du matin débarquer à l'instant où je jouais « Love to love you baby » de Donna Summer. Décidément, il avait le chic pour pointer son nez sur la respiration, celui-là. Il se planta devant moi avec un drôle d'air. Je serrai les dents pensant « Mais c'est pas vrai, il va encore me saouler !» Là, il arbora un large sourire et rugit « C'est super !» J'ai dit « Mais qu'est-ce que tu fais encore là, toi ?» Il hésita et lâcha. En fin de compte, j'ai réfléchi. Et t'as peut-être raison. Tous les DJ furent confrontés à cette époque à une incompréhension croissante de la part d'un public jeune, incapable d'écouter autre chose que ce pour quoi ils s'étaient déplacés. Lassés, plusieurs d'entre nous eurent faim de nouvelles expériences, et si possible, dans des terres vierges. En 95, l'Europe n'était plus un marché à conquérir et l'enjeu se déplaça dans la conquête de nouveaux territoires. Je voyageais de plus en plus loin, m'engageais dans des tournées internationales de plusieurs mois et visitais le Mexique, Hong Kong, le Brésil, l'Australie. Les voyages dans ces pays qui, pour la plupart, découvraient la pulsation techno furent une nouvelle voie pour perpétuer l'excitation dans le quotidien du DJ et lui permettre de se souvenir, si nécessaire, des raisons pour lesquelles il faisait ce métier. Lors de la tournée de 4 dates que j'effectuais au Brésil, je découvris la rivalité identitaire et culturelle qui opposait Rio à São Paulo. Les racines de cette rivalité étaient profondes. En gros, l'insouciance du mode de vie carioca s'opposait à l'hyperactivité pauliste. À travers le prisme du club, ces antagonismes se traduisaient par un amour immodéré de la house à Rio, alors que les nuits de São Paulo étaient vouées à la techno. Une scène électronique brésilienne existait, emmenée par les DJ Mau Mau et Marquis. À São Paulo, après 2 soirées hystériques, les promoteurs vinrent me dire « T'as encore rien vu. Dimanche au Hell's Club, ce sera encore plus dingue. » Le Hell's était une institution underground, un after décadent qui ouvrait ses portes à 5h du matin et se voulait le point de rencontre des amateurs de sensations fortes. Je découvris un public très jeune, percé, tatoué, scarifié, traduisant sur son corps la violence de leur ville. Comme cette fille à la beauté troublante, le crâne rasé, le corps entièrement recouvert de tatouages. Le Hell's offrait un large espace sur 2 étages, arborant des arcades sombres. Dans l'obscurité, on pouvait croiser Travelo, Petite Frappe, River et membres de gangs. On voyait se dessiner dans la pénombre les silhouettes des Rude Boys, venus se faire faire quelques petites gâteries par des travestis à quelques mètres du dance floor. La cabine DJ était installée au premier étage. Et seule une étroite lucarne percée dans le mur permettait d'observer la salle. Un étrange manège commença. Des groupes de travestis pénétraient dans la cabine et se faisaient prendre en photo avec moi, visiblement ravis d'être immortalisés aux côtés d'un DJ européen. Quelque chose de terriblement excitant planait dans ce lieu. Je me suis lancé dans un set Chicago Booty House et tout a basculé. Travelo, gangster, percé, rugissait sur le dance floor. Les traversistes se donnaient en spectacle. Des étreintes farouches chiffonnaient les banquettes du club. Et à chaque nouveau titre, depuis la hauteur de la cabine, je sentais grandir une vague de plaisir si intense, si caliente, que même les pétages de plomb du Quadrant Park seraient passés pour des caprices de jardin d'enfant comparés à ce manège hallucinant. Je sortis du Hell's en fin d'après-midi, épuisé, heureux, bras dessous avec des travestis en fin de parcours. Des Rude Boys tatoués, des pieds à la tête insistaient pour porter mes caisses de disques et des drag queens s'engueulaient pour me raccompagner à mon hôtel. C'est le genre d'expérience extrême qui continue à me faire courir le monde. Lorsqu'on vit ces aventures, on réalise à quel point sont vains tous les balais d'argent, de managers, de promoteurs et d'autres intervenants du circuit house et techno international. Ils sont devenus nécessaires à la carrière du DJ. Mais une fois à l'autre bout du monde, derrière les platines d'un club, face à un public à séduire, les DJ vivent leur vie seuls. Il s'agit de cette solitude qu'on retrouve dans les salles d'attente de chaque aéroport le dimanche, jour maudit du DJ, où après plusieurs nuits passées en club, exténué, il doit subir l'interminable gymkhana, taxi, check-in, attente, avion, puis la même chose dans le sens contraire, une fois à destination, pour tenter de rentrer chez lui, mais aussi des contraintes liées à notre métier. En plus de 15 ans de DJing, les flashs des stroboscopes ont mis mes rétines à mal, mes tympans ont subi les pires sévices, fumée de clope, fumigène et poussière ont achevé d'encrasser mes poumons. Comme tous les DJ, je souffre de scoliose, nous avons tous en commun cette silhouette voûtée, pour quelques-uns la colonne vertébrale ruinée. La faute à des milliers de nuits passées penchées sur des platines, la faute aux caisses de disques de plusieurs kilos qu'on promène partout avec soi, puis qu'on dépose à une station de taxi dans une salle d'attente et qu'on surveille d'un œil paniqué à l'idée qu'on puisse les perdre ou se les faire voler. C'est même là le cauchemar ultime du DJ, la perte de ses disques. Des disques qu'on accumule pendant des années, qu'on chérit pour leur magie ou leur rareté. Ça n'a pas de prix, ça n'a l'air de rien, mais les 50 disques vinyles accumulés dans une caisse de métal sont comme une carte d'identité. Lorsque la rumeur s'amplifia qu'à l'aéroport de Madrid, une bande organisée volait les caisses de disques, quelque part entre la soute de l'avion et les tapis de réception des bagages, plusieurs DJ internationaux refusèrent d'y mettre les pieds. J'en connais qui font le même rêve récurrent. Ils se rendent à une soirée, pénètrent dans un club dont les murs suintent d'excitation, et lorsqu'ils s'installent derrière leur platine, ils cherchent leur sac de disques, envolé. Mais tout cela n'est pas grand-chose, des obstacles plus sérieux menacent notre longévité ou notre intégrité. Le cadre dans lequel nous évoluons comporte ses dangers. La fête étant au centre de notre métier, nous sommes tous exposés aux tentations de la nuit. L'alcool, la drogue, le sexe facile. Et il est si aisé d'y succomber. Je connais des dizaines de DJ qui ont brisé leur carrière pour trop d'excès de fête. D'autres qui ont fini par oublier l'essence même de notre métier. Donner du plaisir. Or, pour remplir cette part du contrat, il faut garder la tête froide, respecter le public et être conscient du fait que pour une nuit, nous faisons partie de sa vie. L'important se situe là, c'est une question de respect. Ma ligne de conduite reste la même depuis mes débuts. Ça n'enlève rien à l'intensité de ce que j'ai pu vivre à travers mon métier. Puis il y a d'autres contraintes, inhérentes au statut de DJ international. Voyager à l'autre bout du monde implique en effet d'en accepter les risques et les imprévus. Une date à l'autre bout du monde peut être bouquée dans les formes de l'art. Les contrats signés et une part du cachet dûment avancée. Toutes les garanties respectées. Reste qu'une fois arrivé dans une ville ou un club inconnu, on est tous susceptibles de connaître des déconvenus ou des situations inattendues. Comme ces deux DJ européens qui partirent honorer une date en Russie. À l'aéroport, ils se firent kidnapper par les promoteurs rivaux de ceux qui les avaient engagés. On les força à jouer dans le club concurrent jusqu'à la fermeture. On les ramena à l'aéroport 2 heures avant le départ de leur avion. On les paya le double de la somme convenue et on les remercia poliment. Les tournées internationales sont parfois l'image de cette aventure, avec plus ou moins de relief et d'intensité suivant les cas. Tous les DJ internationaux ont vécu ce lent apprentissage de l'aventure et de la galère, à commencer par l'arrivée à l'aéroport d'une ville étrangère sans personne pour vous accueillir. Cela peut donner des moments d'improvisation où sa faculté d'adaptation est mise à l'épreuve. Dans cette catégorie, j'ai connu le « démerde-toi de rigueur », lorsque, après plusieurs heures à poireauter, je parvenais enfin à joindre le promoteur. J'ai goûté à l'attente interminable face à un téléphone qui sonne dans le vide. J'ai expérimenté l'accueil glacial des douaniers d'un aéroport russe, me suspectant de je ne sais quoi et me retenant des heures au poste dans l'attente d'un interprète. Quelques souvenirs, par exemple. Lors de mon premier voyage en Suède, en 91, je me suis retrouvé dans un aéroport de province avec mes 40 kilos de disques et un billet aller. Le booker avait le billet retour, pour seule fortune. J'ai cherché une tête blonde brandissant une ardoise marquée Garnier, mais personne. J'ai attendu, attendu encore, et quand j'ai finalement réussi à joindre le promoteur par téléphone, il m'a dit dans un anglais guttural « Je ne peux pas venir te chercher, prends un taxi ». Après avoir enfin trouvé une banque qui fasse du change, dégoté un taxi, et appelé l'adresse plusieurs fois pour être sûr de bien me faire comprendre, autrement dit 2 heures plus tard, je suis arrivé à destination, délesté de mes rares dollars, et je suis tombé sur une bande de gamins de 18 ans qui m'ont annoncé « Bon, il y a une mauvaise nouvelle, la soirée est annulée ». J'ai ravalé ma colère grandissante et leur expliqué que j'étais à des centaines de kilomètres de chez moi, que je n'avais plus un rond pour rentrer en France et qu'en plus c'était le jour de mon anniversaire. Bref, que j'étais dans une mer de noir. Silence. Et là ils m'ont répondu « T'inquiète pas, on va trouver une solution ». Sceptique, j'ai bafouillé. Ok. Le soir même, on s'est retrouvé dans une salle d'école dans laquelle avait été installé un centre système de location. Ils avaient réussi à rameuter plus de 200 personnes. Un prix d'entrée modique avait été fixé à l'entrée et il avait été convenu que chaque centime mis de côté servirait à payer mon billet retour. À 2 heures du matin, l'un des organisateurs a arrêté la musique, a pris le micro et a baragouiné un truc incompréhensible. Là, s'était élevé un « Happy birthday to you » chanté par toute la salle qui m'a brisé le cœur. À l'aube, ils m'ont déposé à l'aéroport et m'ont abandonné la totalité de la recette de leur soirée. Tandis que je déposais mes caisses de disques sur le tarmac, j'ai entendu des « bons voyages » hurler dans la voiture qui démarrait. L'histoire est belle parce qu'elle se finit bien, mais il m'est arrivé de rencontrer des promoteurs habités par moins de grandeur d'âme qui vous plantent après la soirée sur un trottoir désert. « Démerde-toi pour rentrer à l'hôtel, je vais me coucher, je suis crevé. » et qui disparaissent à la fin de la soirée en oubliant de vous payer. J'ai connu l'angoisse des caisses de disques perdues entre les différentes correspondances d'un aéroport, les heures interminables de vol, pour finalement atterrir dans un club désert à la périphérie d'une ville américaine. J'ai séjourné dans les pires hôtels, sordides, bruyants, éloignés de tout et dans lesquels on jetait littéralement les clients de leur chambre sous prétexte que leur check-out est à 9h du matin. Mais ce ne sont là que de petits contretemps. Plus corsé, le promoteur qui refuse de régler ce qu'il doit et pose un flingue sur la table quand vous insistez pour être payé. Celui qui, faute de cash, propose de vous payer en extasie. La somme vertigineuse de toutes les soirées annulées, celles qui furent cassées par les descentes de police, les mises en joue par des flics paniqués, 2 fois quand même à Mexico City certes, mais aussi à Grenoble, et les menaces de mort pour un disque de drum and bass joué dans une soirée techno. À Leeds, je jouais avec Richie Hawtin à l'Orbit, un club réputé hard techno. J'avais pourtant prévenu l'organisateur avant mon arrivée. Je ne veux pas tabasser toute la nuit, je veux pouvoir descendre vers des choses plus mélodiques. Le promoteur avait accepté. Je veux changer ma politique en matière de musique, fais ton truc, tu peux avoir confiance, ça se passera bien. Richie a joué une techno martiale pendant plus de 2 heures devant des danseurs visiblement ravis. J'ai pris les platines ensuite. Au bout d'une demi-heure de set, j'ai décidé de casser le rythme et de jouer un titre de drum and bass. Stupeur dans la salle. J'ai essayé d'imposer ce choix en passant un second titre dans la même couleur. Quand tout à coup, un type a surgi au-dessus du grillage qui protégeait la cabine DJ. Armé d'un tesson de bouteille, le type s'est jeté contre la grille et a essayé de m'ouvrir la gorge. 2 membres de service d'ordre sont intervenus, ont attrapé le type. Ils l'ont entraîné dans un coin sombre et l'ont dérouillé. Encore ? Allez, encore. Lors d'une tournée américaine, je passais par Détroit pour jouer dans une fête. On m'avait raconté que Kenny Larkin, qui le premier m'avait ouvert les portes de Motor City, avait quitté la ville. Des types armés avaient frappé à sa porte. Il avait ouvert et pris plusieurs balles dans le ventre. Une fois remis, Kenny avait déménagé pour la Californie. Le promoteur de la soirée est venu me chercher à l'aéroport pour m'accompagner à la soirée. Par habitude, je m'apprêtais à monter du côté passager quand il m'a interrompu dans mon élan. Il m'a pris par le bras et m'a désigné la banquette arrière de sa voiture. « On va dans un quartier super chaud. Tu montes derrière. » Le genre de coin dans lequel un blanc doit rester discret. La soirée se tenait dans un immeuble planté au milieu d'un quartier délabré. En entrant dans la salle, j'ai remarqué que toutes les fenêtres étaient grillagées. Mad Mike, déjà présent, m'a tout de suite prévenu. « La vibration est bizarre ce soir, fais attention à toi. » J'ai appris que le gang qui tenait ce quartier s'était embrouillé dans la journée avec le gang rival, chargé de la sécurité de la soirée. J'étais programmé dans la salle du bas avec le DJ Stacy Pollen. La soirée a commencé, un public mixte et bon enfant a investi le dance floor. Tout se passait normalement, jusqu'à ce qu'un gars de la sécurité fasse irruption dans la salle et m'ordonne « Arrête la musique immédiatement, prends tes disques, il faut partir tout de suite !» Le type semblait effrayé, un vent de panique a saisi la salle. Stacy et moi, on a rangé nos affaires en quatrième vitesse, on a remonté les escaliers, foncé jusqu'à la porte de sortie. Une femme nous précédait. Lorsqu'elle est arrivée sur le trottoir, une voiture s'est arrêtée à son niveau. La vitre passager s'est baissée, une main brandissant un flingue est apparue, le canon s'est pointé sur la fille, le coup est parti. Le gars de la sécurité se sont précipités sur son corps, baignant dans une mare de sang sur le trottoir. Après avoir transporté la fille, l'un d'eux s'est emparé de mes caisses de disques. Vite rentrez ! Une fois à l'abri à l'intérieur, on a entendu « Couchez-vous !» Les 20 personnes présentes dans le hall se sont jetées face contre terre et la fille touchée à l'épaule a été placée sur le dos. Une couverture de fortune recouvrant son corps ensanglanté. Nous sommes restés pendant un moment, qui nous a semblé interminable, à attendre dans le noir, écoutant le balai des voitures qui passaient et repassaient devant l'immeuble. Puis le silence, épais, à peine déchiré par les « fuck, fuck », chuchotés autour de moi et par les gémissements de douleur de la fille. Les flics ont mis plus d'un quart d'heure à arriver. Lorsqu'ils ont poussé la porte, leur visage couvert de masques d'intervention du DPD, ils ont découvert le spectacle d'un groupe de gens effrayés, haletant dans le noir, couchés dans la poussière. J'ai appris le lendemain qu'un des membres de gang qui assurait la sécurité de la soirée s'était fait assassiner sur le parking du club par le gang rival. Son corps avait été jeté dans une poubelle. On était passé à deux doigts du bain de sang. Ces expériences à l'étranger me rendirent plus mature et contribuèrent à renouveler mon plaisir d'aller rencontrer un public. Je sentais apparaître de nouveaux désirs. Pour Rêve Communication d'abord, dont la famille ne cessait de grossir et pour qui il était essentiel d'aller conquérir de nouveaux marchés. Pour moi enfin, en tant que musicien, Shot in the Dark m'avait ouvert de nouvelles perspectives de carrière et m'avait fait toucher du doigt un plaisir neuf, produire de la musique seul. Dans le secret, je mûrissais le projet d'un second album, décidé à prendre le temps nécessaire à sa réalisation. Pour l'heure, je retournais en France, où dans le sud s'annonçait un mariage très spécial, promettant d'unir deux citoyens de la House Nation. Le Chat Noir Production vous a présenté Electrochoc. Retrouvez l'émission sur le forum. Le Chat Noir Forum. Le Chat Noir Production vous a présenté http://lechatnoir.forum.com et ça s'écrit lshashanwwar.forum.com et deux fois par mois le mercredi soir sur Radio Campus Bordeaux 88.1 vous a présenté Electrochoc.